On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on continue notre cours d'aujourd'hui sur Kitab al-Tawhid, le sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin. Et on est au cours 45 aujourd'hui, et on est dans le chapitre numéro 3, toujours, dans ce chapitre numéro 3 qui s'intitule « Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisabin wala adab » C'est-à-dire « Celui qui purifie son tawhid, il entre au paradis, sans jugement ni châtiment. » Et on a commencé à expliquer le hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Et on était en train d'expliquer donc au dernier cours la signification des différents passages de ce hadith-là dans les paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Et on va donc expliquer la terminaison, la fin du hadith. Donc le Cheikh, il explique à la fin, il dit « Walamma sami'a hadha, walamma sami'a hadha ukkasha » Ibn Mihsan al-Asadi radiyallahu anhu wa kana mimman aslama qadiman wa shahida badran wal mashhad kulluha ma'a rasulil wal mashahid wa alaykum assalam wa rahmatullah wa shahida al mashahid kulluha ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. هذا فيه طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم يعني تطلب من اهل الخير من اهل التقى والعلم ممن ترجى إجابة دعوتهم تطلب منهم الدعاء لان عكاشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ففيه جواز طلب الدعاء من أهل الخير. Donc ici le cheikh il explique que lorsque Ukasha ibn Mihsan al-Asadi radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, qui s'est converti à l'islam depuis les tout débuts, hein, depuis très tôt dans l'islam, et qui a été témoin de la plupart des grandes batailles, à partir de, il a été témoin de Badr, hein, il a participé à la bataille de Badr, et il a participé à toutes les autres expéditions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un grand sahabi, et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, hein, qu'il fasse que je sois un d'entre eux. C'est-à-dire qu'il fasse que je sois un d'entre les 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et ça, dans ça, il y a le fait de demander à quelqu'un d'autre, et ici il s'agit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à quelqu'un d'autre de faire une invocation pour toi. Et donc, le cheikh, il dit, c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un parmi les gens du bien, parmi les gens de la piété, les gens de la science, les gens dont tu espères que Allah va les exaucer, qu'ils fassent un dua pour toi. Tu leur demandes de faire un dua en ta faveur, à demander à Allah pour toi. Il dit parce que Ukasha, radiallahu anhu, il a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de faire cette invocation-là pour lui, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas réprimandé ou ne l'a pas renié de sa part. C'est-à-dire, il lui a pas dit, « Oh non, comment tu me demandes de faire des doigts, il faut pas me demander ça. » Oui, c'est pas correct de me demander ça. Donc, il est permis de demander à quelqu'un de faire des doigts pour toi. Mais, bien entendu, à ça, il y a des conditions, hein. Et parmi les conditions, il faut que la personne soit vivante et présente. Si la personne est vivante, c'est correct. Si elle est présente, ça va, tu lui dis « fais des doigts pour moi ». Mais si la personne est morte, et que tu vas à sa tombe et tu lui dis fais des doigts pour moi, alors là ça devient du shirk. Hein? Là, c'est pas permis. Et c'est ça que les koufars et les mouchriquines font. Les chrétiens, par exemple, quand ils font leur prière à Marie, ils disent « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Hein? » Sainte Marie, ils disent « Sainte Marie, Mère de Dieu. » Déjà, ils attribuent à Allah une mère. Ils attribuent au Créateur une mère. Donc, si le Créateur a une mère, ça veut dire qu'il n'est plus Créateur. Il n'est plus le maître de l'univers. Il est un enfant né d'une femme comme les autres. Donc ça ne fait pas de sens, Yanni. Et en plus, ils disent, priez pour nous, pauvres pécheurs, alors qu'elle est morte et enterrée, hein, depuis des siècles. Donc comment tu peux demander à une morte, hein, quelqu'un qui est mort, de faire des prières pour toi, alors qu'elle ne peut même plus prier pour elle-même. Une fois qu'elle est morte dans sa tombe, elle ne peut plus rien faire pour personne. Elle ne peut pas faire pour elle-même. Donc comment pourrait-elle faire pour quelqu'un d'autre, hein? Donc ça, c'est un exemple des égarements des gens. Donc, de demander à quelqu'un de faire des prières pour toi, si la personne est vivante et présente, oui, dans ce cas-là, c'est permis. Mais de demander à quelqu'un qui est mort de faire des prières pour toi, peu importe qui ça peut être, alors dans ce cas-là, non. Ça, c'est du shirk, hein? C'est du kufr. Et le cheikh, il dit ensuite, « فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْتَ مِنْهُمْ هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عكاشة أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وتحقق هذا فيما بعد فإن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة في حرب طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة فتحقق فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نال الشهادة في سبيل الله مع ما له من السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ففي هذا دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc le cheikh ici, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu seras parmi eux. C'est-à-dire, tu seras un d'entre eux, un de ces 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé de cette information, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette information parmi les informations du Raïb. Hein? Et Ukasha, donc, il a informé Ukasha qu'il allait faire partie des 70 000 qui vont entrer au paradis, sans jugement ni châtiment. Et on voit que Ukasha, radiallahu anhu, il a concrétisé cela par la suite. Et il a réalisé cela par la suite. Puisque Ukasha, radiallahu anhu, a été tué martyr, et il est mort martyr pendant les guerres contre les apostats, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans étaient en train de faire la guerre et combattre un faux prophète, hein, une personne qui s'était, prétendu prophète et qui s'appelait Tulayhat al-Asadi. Alors, on voit que l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Ukasha s'est réalisée par la suite par le fait qu'il a obtenu le statut de martyr dans le sentier d'Allah. Hein? Et il dit, et en tenant compte également du fait qu'il a été parmi les gens qui ont précédé dans l'islam et qui ont lutté dans de nombreuses batailles et qui ont fait le djihad avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc dans ça une preuve que la prophétie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Et c'est un signe parmi les signes de sa prophétie qu'il a prophétisé quelque chose et la chose s'est concrétisée par la suite. Il a annoncé que Ukashat ibn Mihsan allait terminer sa vie avec une bonne fin et qu'il allait faire partie des 70 000. Et effectivement, il est mort martyr. Donc ça, c'est déjà un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique et qu'il annonce des choses de l'avenir qui se produisent. Et ça, c'est seulement un vrai messager qui peut faire ça. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ces informations parmi les informations du Raïb. Le Cheikh il dit ensuite: ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ أُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةٌ. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة لكنه لم يواجهه بما يكره وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت لا تستحق هذا أو لست منهم فيحصل للرجل كسوف بال أو ردة فعل بل واجهه بكلام طيب قال له سبقك بها عكاشة ثم أيضا خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الأمر فهو سد لهذا الباب فسد هذا الباب فالشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون فتركوا هذه الأشياء الثلاثة لأنها إما محرمة وإما مكروهة وهذا من تحقيق التوحيد. Donc le Cheikh il dit, puis un homme s'est levé, un autre homme s'est levé par la suite, et il a dit, oh messager d'Allah, invoque Allah pour moi aussi, pour que moi aussi je sois parmi les 70 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, Ukashat a devancé, en voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que cette personne ne méritait pas ce degré-là. Mais il n'a pas voulu lui répondre par quelque chose que la personne allait ne pas aimer ou désapprouver, et pour pas non plus lui faire sentir mal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le meilleur comportement. Alors il ne lui a pas dit par exemple, non, toi tu ne mérites pas ça, ou tu ne fais pas partie d'eux, parce que peut-être que la personne allait justement se sentir à cause de ça découragée, ou bien parce qu'elle allait avoir une réaction qui est négative ou mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Eh bien, il lui a répondu par une parole qui est bonne, et il lui a simplement dit, non, Ukashat a devancé. Et une autre raison aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint que s'il allait dire à celui-là aussi, tu fais partie d'eux toi aussi, eh bien là, ça allait plus finir. C'est-à-dire, tout le monde allait se lever puis dire, oh messager d'Allah, invoque Allah pour moi pour que je sois parmi les 70 000. Et là, chacun, ils auraient fait ça et ça ne serait jamais terminé par la suite. Donc, pour fermer la porte à ce genre de choses, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit directement, سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَ. Donc, le Cheikh dit, فَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قوله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون تركوا هذه الأشياء الثلاثة لأنها إما محرمة. Donc le point qu'on veut tirer de tout ce hadith là, dans tout ce hadith que le cheikh il a cité dans ce chapitre, la phrase qui est importante et qui est le cœur de ce chapitre là, c'est en réalité de comprendre qu'est-ce qu'il faut avoir et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie des 70 000. Et les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées à ce sujet-là, il a dit « La yastarqoun, la yaktawoun, la yatatayyaroun ». Donc, les choses qu'il faut éviter pour ne pas faire partie les choses qu'il faut éviter pour faire partie des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment, c'est de ne pas demander la ruqya à quelqu'un quand il n'y en a pas de besoin, et de ne pas avoir recours non plus à al-kay, parce que c'est quelque chose qui est détestable, et ne pas lorsqu'on n'en a pas de besoin en particulier, hein, et at-tatayyur, on a mentionné que ça c'était shirk et que c'était pas permis, c'est-à-dire de croire aux superstitions et aux mauvais présages. Et on a dit que il faut que ça c'est shirk, et donc ça c'est quelque chose dont il faut s'abstenir de façon totale parce que c'est haram. Donc le cheikh il explique ici, il dit que ces trois choses qui ont été mentionnées, c'est des choses qu'il faut ne pas faire, soit parce qu'elles sont haram ou soit parce qu'elles sont détestables. Et il faut, comme Allah il dit dans la troisième, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la quatrième chose, wa ala rabbihim yatawakkalun, et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ça c'est yani la chose qu'il faut faire pour faire partie des 70 000, mettre notre confiance complète entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qu'est-ce qui peut arriver? Naam. Si tu es dans une situation de détresse ou de danger, on parle souvent de ça dans les moments où on est dans un moment de détresse et que, par exemple, on parle du sujet de al-istirahatha. Al-istirahatha, ça veut dire le fait de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué que de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est parmi les éléments qui font partie du tawhid, hein, et qu'on doit demander uniquement à Allah. Toutefois, on a expliqué que c'est le fait de demander l'aide et le secours d'Allah dans les moments de détresse, dans ce que seul Allah est capable de faire. Donc si par exemple quelqu'un est dans un moment de détresse et qu'il demandait l'aide d'une créature par exemple qui est présente et qui est capable de nous aider, alors dans ce cas-là il n'y aurait pas de shirk là-dedans. Comme par exemple si quelqu'un est en train de t'attaquer ou de te menacer, puis tu vois un policier ou quelqu'un qui est là, qui est capable de venir à ton secours, tu lui dis à l'aide, hein, et puis tu l'appelles au secours, tu dis au secours, venez m'aider. Ben, dans ce cas-là, ce ne serait pas du shirk. Mais quand est-ce que ça devient du shirk? C'est lorsque, hein, au lieu d'appeler Allah, tu appelles une créature alors qu'il n'y a personne qui peut t'aider, ou que tu appelles quelqu'un qui est absent, ou que tu appelles ou que tu demandes l'aide de quelqu'un qui est mort. Alors ça devient du shirk majeur. Et il y a un chapitre justement par rapport à qu'est-ce que tu demandes. Et on va y arriver plus tard. Là, il y a un chapitre à propos de al-istirahatha. C'est à la page 296 dans le livre. Et puis le verset qul hasbi Allah wa ni'mal wakil. On va en parler aussi de ce verset-là, alayhi sallahu bi kafin abda, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour son serviteur. Yani, ça aussi c'est une parole. Yani, donc quand quelqu'un est dans une situation de détresse et que il y a personne qui peut lui venir à son aide parmi les créatures et que la personne demande l'aide d'Allah, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il peut arriver que Allah va venir à son secours d'une façon que personne ne peut imaginer parfois. C'est-à-dire qu'il peut se produire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé. Et par exemple, parce que des choses parfois peuvent se produire qu'on n'avait même pas supposé ou imaginé qu'elle aurait pu se produire. Yani, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui peut arriver qui est hors de l'ordinaire ou qui nous surprend, quelque chose d'inattendu, puis qui fait que ça vient nous sauver. Allah subhanahu wa ta'ala peut amener son secours de toutes sortes de façons. Et il faut juste mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, « Wa qawluhu an Hussein ibn Abdurrahman » وهو الحارث من تابع من تابع التابعين. OK, donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, parce que là on est rendu là justement, C'est ça. On revient au texte maintenant. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il va expliquer le hadith lui aussi. Donc, comme on l'avait expliqué, Abdurrahman ibn, Hussein ibn Abdurrahman, c'est celui qui rapporte le hadith. Et lui, c'est un, c'est son laqab, c'est-à-dire son surnom, c'est Al-Harithi. Al-Laqab, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tribu ou le peuple auquel il appartient. En général, c'est ça que les personnes mentionnent comme laqab. Et lui, c'est Al-Harithi. Donc, il est de la tribu de Al-Harith. En général, c'est comme ça. Et des fois, comme par exemple, tu vois quelqu'un qui s'appelle Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani. Al-Albani, on l'appelle comme ça, Al-Albani, parce qu'il est albanais d'origine. Donc, Al-Albani, c'est son laqab. On appelle ça en arabe laqab. OK? Et donc, si on va dire, par exemple, de quelqu'un, comme par exemple, Daoud Al-Kanadi, ben, ça veut dire, yani son laqab, c'est qu'il est Kanadi parce qu'il vient du Canada. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Et il dit donc ici que Hussein ibn Abdurrahman, donc, il est Al-Harithi. Et il fait partie des tabi'in, c'est-à-dire des élèves des tabi'in. Hein? Et il dit, une minute, an al-Sha'bi. Donc il a cité le hadith selon al-Sha'bi. Et al-Sha'bi fait partie des grands ulama, hein? Parmi les grands ulama. Et il dit, wa qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr, wa huwa al-Walibi. مولاهم الفقيه عن عباس عن عباس وخلق وقال اللالكائي ثقة إمام حجة قتله الحجاج بن يوسف فما أهمله الله بعده. Donc il dit que Al-Sha'bi il a dit, pardon, Hussein ibn Abdurrahman al-Harithi, qui a rapporté selon al-Sha'bi, et il a dit, il était chez Saïd ibn Jubayr. Et Saïd ibn Jubayr fait partie des tabi'in, lui aussi. Il fait partie des grands parmi les tabi'in. Et il dit que son laqab, c'est al-Walibi. Hein? Al-Walibi. Il dit « Mawlahum al-Faqih ». Donc, c'était probablement quelqu'un qui avait été soit esclave, hein, et qui avait été libéré, ou bien quelqu'un qui faisait partie de qui avait été allié à cette tribu-là. Et il dit que il a rapporté également dans ce hadith, selon Ibn Abbas et d'autres également. Et Al-Lalaka'i a dit à propos de Saïd ibn Jubayr que c'est un imam, thiqa, hujja. Donc il dit que c'est quelqu'un qui est dans le hadith une référence, un imam, et quelqu'un de fiable et d'honnête. Il a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf, le régent de Abdul Malik ibn Marwan à l'époque. Et il dit, Allah ne l'a pas épargné par la suite, ou ne lui a pas donné de répit après lui. C'est-à-dire, après avoir tué Saïd ibn Jubayr, il n'a pas eu de répit après ça. Il dit, wa qawluhu, fa qala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha. Eh naam. Ya'ni, kawkaban, rujima bihi tilka al-layla. يقال البارحة الليلة الماضية إذا زالت الشمس وأما قبل الزوال فيقال الليلة وقوله فقلت أنا أي أنا رأيته. Donc il explique ici le Cheikh Abdurrahman Ibn Hassan. Il dit, quand il dit qui d'entre vous, c'est-à-dire Saïd ibn Jubayr qui pose la question, qui d'entre vous a vu l'étoile filante qui est tombée hier soir. Et le terme qui est employé pour dire hier soir, c'est al-bariha en arabe. Al-bariha. Et le cheikh explique que Al-Kawkab, c'est ça, l'étoile filante par laquelle Allah lapide les diables, les shayatines et les djinns qui veulent écouter les informations du ciel. Et Al-Bariha, ça veut dire la nuit passée. Et on utilise ça lorsque le dhuhr est passé. Ça veut dire que si je vais dire, par exemple, je veux parler de la nuit. Là, par exemple, on a pris le dhuhr. On a passé le zawal. Le zawal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le zénith. Le zénith, c'est quand le soleil est à son plus haut point dans le ciel et qu'il passe le zénith. On appelle ça le zawal. C'est à partir de ce moment-là que le dhuhr commence. Et on dit qu'à ce moment-là, au zénith, c'est le moment où ton ombre, elle disparaît d'une certaine façon parce que le soleil est juste au-dessus de ta tête. Donc, ton ombre est en dessous de toi en réalité à ce moment-là. Ça veut dire que c'est le plus haut point du soleil dans le ciel pendant la journée. C'est la mi-journée. On appelle ça midi. Hein? En général, c'est à midi. Mais ça se peut que ce soit un peu avant ou un peu après-midi, comme maintenant, par exemple, le dhuhr. Eh bien, il entre à 12h45. Donc, ce n'est pas exactement. Et en même temps, ça dépend. Est-ce que tu es à l'équateur ou est-ce que tu es plus haut ou plus bas? Si tu es plus haut ou plus bas, ton ombre, elle ne va pas nécessairement disparaître. D'accord? Donc, tout ça, c'est des facteurs. Mais on appelle ça le zénith quand même, Az-Zawal. Et à partir de ce moment-là, si tu parles de avant, par exemple, avant le dhuhr, on te demande, tu veux parler de la nuit passée, tu vas dire al-layla, c'est-à-dire cette nuit. Mais si c'est après le dhuhr, tu vas dire al-bariha, c'est-à-dire la nuit passée. Tu vas pas dire al-layla. Tu vas pas dire cette nuit parce que on a passé le zénith. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont rapport avec la langue arabe. C'est des termes de la langue arabe. Après, le cheikh, il dit, et Abdurrahman, Hussein ibn Abdurrahman, il a répondu, il a dit, Anna, moi je l'ai vu, l'étoile. Il dit, Anna ra'aytuhu. Thumma qultu, Amma inni lam akun fi salatin. Qala dhalika hadharan min ash-shirk. لأن لا يظن الحاذرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله والحذر من أن يحمد بما لم يفعله فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. Donc il dit le شيخ, hein, que le Tabi'in, Hussein ibn Abdurrahman, il dit, oui, moi je l'ai vu. Et il a dit tout de suite, mais je l'ai pas, j'étais pas en prière. J'étais pas en train de prier cette nuit-là. J'étais pas debout parce que j'étais en train de prier la nuit, parce que je suis pieux, non. Et pourquoi il a dit ça? Le cheikh, il a dit ça parce qu'il a peur du shirk. Il veut éviter le shirk, c'est-à-dire le riya. Hein, l'ostentation. Et c'est pour pas que les gens qui sont présents s'imaginent qu'il était en train de prier la nuit pour faire des adorations. Donc il ne veut pas être glorifié pour qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Hein? C'est comme quelqu'un qui arrive puis il pense que, je ne sais pas moi, il a reçu quelque chose, je ne sais pas moi, un cadeau, ou il voit que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Et il pense que c'est toi, mais il ne le sait pas. Alors, il vient te voir et dit, « Ah, je te remercie, vraiment, t'as fait une bonne chose, hein, c'est vraiment gentil, qu'est-ce que t'as fait ?» Puis toi, tu dis rien, puis tu dis, « Ah, mais de rien, ça ne me dérange pas. Hein? » Ça veut dire que tu te fais glorifier pour quelque chose que tu n'as rien fait, puis tu acceptes cette glorification-là. Ça, c'est grave. Hein? Non, plutôt, tu dois nier la chose. Tu dis, non, je m'excuse, tu te trompes. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas moi qui a fait ça. Hein? Et il dit, donc, il ne veut pas prétendre quelque chose pour lui-même qu'il n'a pas fait. Et on voit à quel point les tabi'in, eh bien, ils prenaient attention, ils faisaient attention, hein, à ce genre de forme de shirk. Et ils se... Ils se, pré, pré, ils se protégeait ou bien il prévenait toutes sortes de shirk qui pouvaient les atteindre ou se produire, que ce soit petit ou grand, il s'en écartait. Et le cheikh, il explique ensuite et il dit Walhazaru min an yuhmada bima lam yaf'alhu. Donc il a peur de se faire glorifier pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Fama a'azzu min man salima min ash-shirk kama sayati. Il dit comme ils sont rares ceux qui sont exempts de toute forme de shirk, comme on va le voir plus tard. Le cheikh il dit hatta walaw anna al-insan amila al-amal as-salih la yanbaghi lahu an yatahaddatha anhu wa an yukhbira an-nas anhu wa hadha li'ann hadha yakunu min ar-riya. فكيف إذا لم يعمل شيئا ويريد الناس يمدحوه؟ قال الله عز وجل في اليهود ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سورة آل عمران. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il commente sur ça, sur ce point-là, et il dit, même si la personne l'avait fait réellement, c'est-à-dire même si elle s'était levée la nuit pour prier, hein, la personne qui a fait une bonne action, elle ne doit pas commencer à venir puis dire ça à tout le monde. Dire, ah, tu sais, hier soir, moi, j'ai prié la nuit, hein. Moi, tu sais, hier soir, j'ai fait ça, hein. Hier, j'ai donné sadaqa à quelqu'un, j'ai donné tout mon argent, hein. Donc, il dit, si quelqu'un, il fait ça, là, eh bien, ça rentre dans le riya aussi. Alors, il dit, le cheikh, si même lorsque tu as fait l'action, tu ne dois pas le dire, imagine. Lorsque tu ne l'as pas fait et tu veux que les gens te glorifient pour quelque chose que tu n'as pas fait, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé les juifs à ce sujet-là dans le Coran. Le verset 188 dans Sourate Al-Imran, il dit à leur sujet, et ils aiment se faire glorifier pour ce qu'ils n'ont pas fait. Hein? Donc ça, ce n'est pas correct. Et le shaykh, il dit, wa qawluhu qultu hadith, hadith haddathana, hadithun haddathana, ash-sha'biyyu. قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى وهذا الحديث قد روي مرفوعا والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. Donc ici le cheikh il dit, Cheikh Abd Rahman ibn Hassan il continue l'explication et il dit, ensuite dans le hadith il continue, donc après lui avoir demandé après avoir dit qu'il ne priait pas la nuit, mais il était en train de... Hein, il était... disons, il était mordu par une bête, soit un serpent ou un scorpion ou quelque chose. Il s'est fait mordre par un animal venimeux avec du venin dedans. Et il a fait la ruqya. Alors, qu'est-ce qu'il lui a demandé Saïd ibn Jubayr? Il lui a posé la question, Yanni, pourquoi t'as fait ça? Ou qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors il a dit, c'est un hadith que Ash-Sha'bi nous a rapporté. Et il dit, qu'est-ce qu'il vous a rapporté? Il a dit, il nous a rapporté selon Buraïda ibn al-Husayb, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas de ruqya excepté pour un mauvais œil ou pour une morsure d'animal, qui nous a mordu ou une fièvre qui est causée par le venin ou des choses comme ça. Alors il dit à Sha'bi, il dit que ce hadith a été rapporté donc selon Sha'bi marfou'an, c'est-à-dire attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sha'bi, son nom c'est Amir ibn Sharahil al-Humayri al-Sha'bi al-Imam. Donc son nom c'est Amir ibn Sharahil, c'est ça son nom. Amir, fils de Sharahil, Al-Humayri, c'est son laqab, et Al-Sha'bi, aussi. Et c'est un grand imam, un tabi'i, un élève des Sahaba. Il a rapporté selon Omar, selon Ali, selon Ibn Mas'ud, même s'il n'a pas entendu d'eux directement. Il a rapporté de d'autres personnes qui leur rapportent leurs propos, et de même qu'il a rapporté selon Abu Huraira, Aisha, et Jarir, et Abdullah ibn Abbas, et beaucoup d'autres. Donc c'est un grand parmi les tabi'in, un imam parmi les imams. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني الذي حملني على ما فعلت هو الحديث لأن السلف لا يعملون شيئا من الحلال والحرام إلا بدليل. Donc le Cheikh, il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a amené à faire cela, c'est le hadith. Parce que les salafs, quand ils faisaient quelque chose, ils se basaient tout le temps sur un hadith. Peu importe que ce soit par rapport au halal ou au haram, ils se basent sur un dalil, sur une preuve. Alors, le Cheikh Abdurrahman, il continue, il dit, قال الشعبي, donc il continue le hadith, il dit, قال الشعبي ما كنت, non, c'est pas le hadith qu'il mentionne maintenant, c'est l'explication d'une parole de l'imam al-Sha'bi. Il dit, قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء أي كلما سمع حفظه وحدث به من حفظه وتوفي سنة 300. Pardon. Donc il dit le cheikh que l'imam al-Sha'bi le tabi'i, il dit, je n'ai jamais écrit du noir sur du blanc. Tout ce que j'ai, je n'ai jamais écrit de noir sur du blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le cheikh, ça veut dire que chaque fois que l'imam al-Sha'bi, il entendait, il mémorisait. Et il rapportait qu'est-ce qu'il avait entendu de sa mémoire. Donc il n'écrivait pas. Et il dit, et il est mort en l'an 103 de la Hijra. C'est-à-dire, il est mort en l'an 103 après la Hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait partie des trois meilleures générations. C'est un parmi les salafs. Hein? Et le cheikh, il dit, à ce sujet-là, cheikh Al-Fawzan, كُلُّ عِلْمِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى غَزَارَتِهِ حِفْظٌ فِي صَدْرِهِ لَمْ يَكْتُبْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Donc il dit, l'imam al-Sha'biyu, toute sa science, hein, alors qu'il en avait énormément, eh bien c'était uniquement de sa mémoire, de qu'est-ce qu'il a mémorisé dans son cœur, dans sa poitrine. Il n'a rien écrit. Donc ça prouve que les ulama, c'est pas déterminé par le nombre de livres qu'ils écrivent. Quelqu'un peut être un savant, même s'il n'a jamais écrit de livre. Hein? Parce que leur science, elle est en eux. Et c'est pour ça que les musulmans, ils ont toujours considéré que la science, elle meurt par la mort des savants. Parce qu'ils ne se basaient pas sur les livres seulement. Ils se basaient sur les écrits, sur les ulama, qu'est-ce qu'ils ont transmis comme science, de qu'est-ce qu'ils ont mémorisé. Et ils transmettaient aux autres leur science de leur mémoire. Donc, quand un savant mourait, c'est comme s'il y avait une bibliothèque qui brûlait. Hein? C'est vrai. Quand un savant mourait, c'est comme si on avait perdu une encyclopédie au complet qui mourait. Hein? Parce que ces hommes-là, c'était ça. C'était des encyclopédies, et même plus que ça. Hein? Aujourd'hui, on a besoin de l'Internet pour tout. Tout est enregistré sur des ordinateurs. Eh bien, à l'époque, ces hommes-là étaient plus précieux que des ordinateurs. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, wa Bourayda, hein? وبريدة وهو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر وعمل على اليمن وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور. Donc il dit le cheikh Buraïda, celui de qui il a rapporté le hadith, celui de qui Ash-Sha'bi a rapporté le hadith, il est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Buraïda ibn al-Husayb, donc fils de al-Husayb, fils de Abdullah, fils de al-Harith al-Aslami. Donc son laqab c'est Aslami. Et il s'est converti avant Badr, c'est-à-dire avant la bataille de Badr, et il a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été employé au Yémen comme gouverneur. Hein? Il est parti, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé là-bas comme gouverneur. Et c'est un noble compagnon très célèbre. Très célèbre. Et il dit wa qawluhu la ruqyata. Donc ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ruqyata illa min 'aynin aw huma. Wa hadha wallahu a'lam fi awwal al-amr. لأن ثم رخص في الرق في الرقى إذا كانت بحق والله أعلم. Donc le cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de ruqya excepté pour un mauvais œil ou pour une morsure d'animal, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il dit, le cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit ça, Allah sait mieux, mais ça c'est probablement au début. Hein, au début de l'islam. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de faire la ruqya si c'est une ruqya qui est correcte, qui est faite selon la vérité. Hein? Parce que on peut faire le ruqya pour autre que le ayn, pour autre que le mauvais œil et pour autre que une morsure d'animal. Hein? Donc c'est pour dire que ça c'était quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au début, puis par la suite, ça a été abrogé. Le cheikh il dit qawluhu la ruqyatam illa min aynin hadha hasrun mafdahu aw mafaduhu annahu la tajuzu ruqya illa min hadhain ash-shay'ain ma'a annahu ja'at al-adilla bi anna ar-ruqya tasluhu min kulli maradin fama al-jam'u baynaha الجمع بينها إما أن يقال هذا كان في أول الأمر لا رقية إلا من عين أو حمى ثم بعد ذلك رخص بالرقية من جميع الأمراض أو يحمل على الأكمل أي لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمى ولا يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض يعني أنفع الرقى وأحسنها من كان من هذين الدائين فالحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. Donc le cheikh il explique ici que Il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit il n'y a pas de ruqya excepté d'un mauvais œil ou d'un huma, le morceau d'animal, il dit que ça implique qu'il ne serait pas permis de faire la ruqya excepté pour ces deux choses-là. Alors qu'on voit qu'il y a d'autres preuves qui clarifient qu'on peut faire la ruqya pour n'importe quelle maladie. Alors comment on peut réunir entre ces deux hadiths? Les hadiths qui disent qu'on peut faire la ruqya pour n'importe quelle maladie et ce hadith-là qui spécifie qu'il faut que ce soit juste pour le mauvais œil ou une morsure d'animal. Eh bien, le cheikh, il dit on peut réunir entre ces deux choses-là de la façon suivante. Soit qu'on va expliquer que ce hadith-là, le hadith qui dit il n'y a pas de ruqya sauf pour un mauvais œil ou pour une morsure d'animal venimeux, que ça c'est seulement une chose qui a été mentionnée au début, puis que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela pour toutes les maladies. Donc ça c'est une première possibilité pour expliquer. Et la deuxième possibilité c'est qu'il veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire en disant ça, qu'il n'y a pas de ruqya qui est plus complète ou plus bénéfique que la ruqya pour le mauvais œil ou pour une morsure d'animal. Malgré que ça n'empêche pas qu'on puisse le faire également pour d'autres maladies. Mais pour ces choses, ces deux choses-là, c'est plus bénéfique et c'est meilleur. Hein? Donc, ce serait donc une restriction qui serait limitée et relative. Hein? Et ce ne serait pas donc une restriction ou une limitation qui serait réelle et absolue. Donc ça, c'est la façon dont on clarifie et on explique cette question-là. Ensuite, le cheikh, il dit قَوْلُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا قَوْلُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبر الأمة أو حبر الأمة وترجمان القرآن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. Donc, na'am. Ici, ensuite, le cheikh, il dit, et Abdullah, Saïd ibn Jubayr, pardon, il a mentionné le hadith de Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Et son nom, c'est Abdullah, le fils de Abbas, qui est l'oncle du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du messager, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Hashim, qui est l'arrière-grand-père du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cousin de Ali aussi. D'accord? Donc, il dit, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, en fait, le cheikh, il dit à son sujet que c'est Habrul Umma, c'est-à-dire le savant de cette Umma. Hein? C'est-à-dire, c'est un des plus grands savants parmi les savants des Sahaba. Et il a le titre de Turjuman al-Qur'an. On l'appelle, Ibn Abbas, on l'appelle Turjuman al-Qur'an. Ça veut dire quoi? L'interpréteur du Qur'an. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour lui un dua spécial. Et il a demandé à Allah pour lui, « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation. » D'accord? Donc, à cause de ça, il avait une connaissance supérieure aux autres et une compréhension supérieure aux autres. Hein? Et le cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, إذا قيل ابن عباس لم ينصرف إلا إلى عبد الله رضي الله عنه لأنه هو الذي اشتهر بذلك. Donc le cheikh, si on dit Ibn Abbas, c'est-à-dire le fils de Abbas, eh bien ça ne s'applique que à Abdullah Ibn Abbas, parce que c'est lui qui est connu, qui est célèbre par ce nom, par ce titre-là. Mais en réalité, Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement eu un seul fils. Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu plusieurs fils. Mais celui qu'on appelle le fils de Abbas, c'est Abdullah. C'est lui qui est connu par ce surnom-là. Malgré qu'il a eu d'autres fils que Abdullah. Hein? Donc le cheikh, il clarifie ce point-là. Donc si tu entends Ibn Abbas, ça veut dire Abdullah. Ça ne veut pas dire un autre des fils de Abbas. Ça veut dire seulement Abdullah. Et ensuite, il dit, par rapport au ta'wil, le terme ta'wil, « wa'allimhu ta'wil », enseigne-lui le ta'wil. Le ta'wil, ça veut dire l'interprétation du Coran. Hein, dans ce hadith-là, ça veut dire ça. Et le cheikh, il explique, il dit, donc, il a rapporté beaucoup de hadiths. Et aujourd'hui, on entend des égarés parmi les gens de l'égarement qui critiquent Abdullah ibn Abbas et qui dénigrent Abdullah ibn Abbas, hein, comme Khalid bin Sheikh, le directeur ou le responsable de la fondation d'Islam de France, là, hein, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite, hein, qui insulte et qui dénigre Abdullah ibn Abbas et qui dit « Est-ce que je vais prendre ma religion d'un adolescent, hein? Est-ce que je vais... quelle valeur à la parole qui est rapportée d'une personne alors qu'elle était adolescente? » Il n'a pas de honte, ce gars-là. Il n'a pas de respect pour les sahaba et pour les gens qui ont transmis la religion d'Allah directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des gens pour qui le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ont fait le dua, hein, directement. Donc ça, c'est des gens vraiment... Ils n'ont aucun respect. Ils ne méritent non plus aucun respect. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc, il rapporte beaucoup de hadiths. Et malgré son jeune âge, le cheikh, il dit, et malgré qu'il était parmi les jeunes et les petits parmi les sahaba, sauf qu'il a cherché la science du hadith chez les grands parmi les sahaba. Et il rapporte de ce qu'il a mémorisé des sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Hein? Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit, ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك صار يلقب بحبر الأمة وترجمان القرآن وكان عمر رضي الله عنه يستشيره على صغر سنه وكان يحضره مع كبار المهاجرين والأنصار ويستشيره وهو صغير السن نظرا لعلمه. Subhanallah. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à cause de la bénédiction, de l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour lui, il est connu maintenant par le surnom, hein, al-laqab, le surnom de Habr al-Umma, et Turjuman al-Qur'an, donc le savant de la Umma, et l'interpréteur du Qur'an. Et Omar, radiyallahu anhu, à l'époque où il était le khalifa, il ramenait Abdullah ibn Abbas pour prendre son conseil et pour lui demander des conseils, subhanallah, alors qu'il était tout jeune. Hein? Et il l'amenait alors qu'il y avait en présence de Omar les plus vieux parmi les sahaba, les plus vieux parmi les muhajirin et les ansar. Hein? Ceux qui étaient là depuis le début avec la barbe blanche et qui étaient âgés dans l'islam. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il amenait Abdullah ibn Abbas dans la réunion. Hein? Imaginez une réunion. Et le khalifa, Omar ibn al-Khattab, c'est lui le khalifa. C'est lui qui est le dirigeant de toute la Umma. Hein? Et avec lui, il y a tous les grands. Parmi les sahaba, ceux qui étaient parmi les muhajirin, qui sont convertis à l'islam à la Mecque. Et les Ansar, ceux qui ont cru en l'islam par la suite, les plus grands d'entre eux, ils sont tous réunis ensemble. Imaginez, subhanallah. Et vient Abdullah ibn Abbas, qui était à l'époque un enfant. Hein? Et il vient, Omar, il l'amène, il l'assoit à côté de lui. Les muhajirines et les Ansar qui étaient là, ils ont dit, « Ya Omar, pourquoi tu amènes cet enfant-là ici avec toi? Nous, on a tous laissé nos enfants à la maison. Hein? » On les a tous laissés là-bas. Pourquoi toi, tu amènes lui avec toi? Il est jeune comme ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Radiyallahu anhu. Il n'a rien dit, en fait. Il a juste posé, il leur a posé à tous une question. Il leur a dit, qu'est-ce que... il a dit, « Wal asr, inna l'insan ala fi... » Est-ce que c'était ce verset-là? Non, c'était « Idha ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. » Il a dit, qu'est-ce que tu dis sur ce verset-là? Et il a dit aux muhajirin et aux ansar, qu'est-ce que vous dites sur ce verset? Eh bien, chacun a dit ce qu'il savait, de ce qu'il pensait que le verset signifiait. Après, il s'est tourné vers Abdullah ibn Abbas et lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, ça, c'est l'annonce de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui annonçait que sa vie terrestre allait bientôt être terminée. Alors, il a dit, et tous les autres, ils étaient tous étonnés, tous surpris d'entendre ça. Et il a dit, effectivement, yani, je ne connais pas d'autre interprétation meilleure que celle-là. Et donc, c'est pour dire que Abdullah ibn Abbas, il était, malgré qu'il était jeune, eh bien, il était très. Il avait une connaissance et une compréhension très profonde de la religion. Et en même temps aussi, pour répondre à cet égaré-là de Ghalib bin Sheikh, qui accuse ou qui insulte et dénigre Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, et Abu Huraira aussi, et d'autres également parmi les Sahaba, comment ils les dénigrent. Hein? Il prétend que Abu Huraira acceptait de l'argent de Muawiya pour écrire des hadiths en sa faveur, comme s'il inventait des hadiths, et il acceptait de l'argent pour ça. Donc, des accusations graves. Ça ressemble aux paroles des Rafida, des Shia, des ennemis de l'islam. Donc, il est probablement, lui, ce gars-là, parmi les Rafida. Il a des croyances aussi, des Mu'tazila, et des idées d'égarement aussi, de toutes sortes. Hein? C'est un égaré de premier ordre. Nassallallahu al-afiyah. Qu'Allah préserve les musulmans de France et d'ailleurs de ces égarements. Hein? Et donc, il dit, c'est un adolescent. Pourquoi il utilise le terme adolescent en particulier, hein? Parce qu'il sait que la connotation que ça peut avoir à notre époque de l'adolescence. Alors qu'on sait très bien que l'adolescence, c'est une invention du XXe siècle. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le passé, l'adolescence. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est-à-dire la période de puberté, ça existait tout le temps. Mais à partir du moment que quelqu'un devenait pubère, eh bien, il rentrait dans la catégorie des hommes. Hein? Il n'y avait pas cette période entre l'enfance et l'âge adulte dans laquelle quelqu'un, il fait que des bêtises, puis qu'il passe son temps à faire des niaiseries, puis il perd son temps, hein? Comme à notre époque. Ça a été créé à l'époque moderne avec les écoles gratuites et obligatoires qui ont été justement ramenées par les laïcs, hein, dans les pays occidentaux. Et c'est eux qui ont rendu l'école obligatoire et gratuite et qui font tout pour essayer justement de contrôler et programmer et endoctriner la masse des jeunes et de les rendre abrutis avec leur système éducatif complètement bidon, hein, où ils apprennent rien et où soi-disant il n'y a pas de... En tout cas, on ne va pas s'attarder trop là-dessus, mais c'est pour dire l'adolescence, de traiter Abdullah ibn Abbas d'adolescent de cette façon et d'utiliser le terme adolescence à notre époque, alors que c'est quelque chose qui, à l'époque des Sahaba, ça n'existait pas. Alors comment tu déformes la réalité et comment tu dénigres, hein, un noble parmi les Sahaba, un des plus grands parmi les Sahaba, en utilisant ce genre de d'appellation. Donc ça, c'est clairement dans le but de dénigrer et de rabaisser Abdullah ibn Abbas. Et en même temps, et c'est ce qui est plus grave, c'est en même temps d'attaquer et de discréditer la sunna, hein, et les hadiths. Hein, parce que si on dit, ah, les hadiths sont un des plus grands rapporteurs de hadiths, Abdullah ibn Abbas était un adolescent, donc ça veut dire on donne plus de crédibilité aux hadiths qu'il a rapportés. Et donc, c'est, par conséquent, ça veut dire qu'on doit renier la sunna ou ne pas accepter la sunna. Hein? Donc ça, c'est des paroles extrêmement dangereuses, extrêmement graves de la part de ce genre d'individus égarés, là, que Allah nous préserve. Et donc, il faut sérieusement avertir et mettre en garde tous les musulmans de France contre des égarés pareils qui se permettent de dénigrer les salafs et de mettre des doutes dans le cœur des jeunes et des musulmans en général au sujet de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc le cheikh il dit wa qawluhu qawluhu qad ahsana man intaha ila ma sami' fihi husn al adab ma' al ilm wa ahlihi wa anna man fa'ala shay'an su'ila an mustanadihi fi fi'lihi هل كان مقتديا أم لا ومن لم يكن معه حجة شرعية لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il dit ici que Saïd ibn Jubayr, il répond à Hussein ibn Abdurrahman quand il lui a rapporté le hadith, il dit « Qad ahsana man intaha ila ma sami'a » c'est-à-dire celui qui s'est arrêté à ce qu'il avait entendu comme science, eh bien il a bien agi, il a bien fait. Parce que dans la religion, c'est comme ça le bon comportement, dans la science, avec la science et avec les hommes de science, c'est de s'arrêter à ce que tu sais. Et d'agir selon le dalil et la preuve. Et le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, il dit هذه مهمة جدا. إذا سمعت الدليل لا يجوز لك أن تغمض الدليل وتقول لا يكفي وهذا فيه كذا. لا يجوز الاستهانة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان يقف عند حده معها. يعني هذا يعني ويتأدب معها فهذا تابعي يقول أحسن الله إلى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Donc il dit ici, il dit la réponse de Saïd ibn Jubayr, c'est une réponse qui est très respectueuse et qui montre en même temps le bon comportement envers la sunna. Parce que ici on voit que Saïd ibn Jubayr, lui, il a appris quelque chose de mieux ou de plus qui a priorité sur le hadith qu'il a mentionné. Saïd ibn Jubayr, il connaît un hadith qui a priorité ou qui vient au-dessus du hadith que Hussein ibn Abdurrahman lui a rapporté. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, tu as bien agi en t'arrêtant à ce que tu avais entendu. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est très important, que lorsque tu entends un dalil, tu ne dois pas, dénigrer le hadith, dénigrer le dalil, ou dire, mais non, ça c'est pas suffisant, il y a telle ou telle ou telle chose. Non, il n'est pas permis de dénigrer ou de manquer de al-istihana, c'est-à-dire de manquer de respect et de dénigrer les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne, elle doit s'arrêter à sa limite et elle doit avoir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon comportement. Et donc ça c'est un exemple ici de Saïd ibn Jubayr qui est un tabi'i et qui dit tu as bien agi si tu t'arrêtes à ce que tu as entendu. Ensuite, il lui dit, donc ça c'est le bon comportement avec la science et les hommes de science. Et il dit le cheikh ensuite, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, que quelqu'un qui agit et qui fait une action dans la religion, si on lui pose la question, sur quoi tu te bases, c'est quoi ta référence, c'est quoi ta preuve pour faire ça, est-ce que tu es basé sur, est-ce que tu te bases sur la sunna pour qu'est-ce que tu fais, pour justifier qu'est-ce que tu fais ou non? Donc il dit celui qui n'a pas d'argument légal dans la charia pour supporter ce qu'il fait, eh bien dans ce cas-là il n'a pas d'excuse pour qu'est-ce qu'il a fait. Il n'y a pas de preuve. Si tu n'as pas de dalil, tu n'as pas de preuve. Donc qu'est-ce que tu fais n'est pas justifié dans le Coran et dans la sunna. Et ça veut dire que nos salafis, ils étaient comme ça. Aujourd'hui, on dit par exemple aux salafis, lorsqu'ils apprennent l'islam, et aux musulmans, lorsqu'ils deviennent musulmans, aux jeunes, hein, et aux gens en général, à tous les musulmans, on leur dit, demandez le dalil, demandez la preuve. Et ça, ça dérange les gens de bid'a, et ça enrage les gens de bid'a, et ça fatigue les gens de bid'a, parce que eux, ils n'ont pas cette éducation-là. Donc, quand toi, tu viens, et eux, ils te disent quelque chose, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, et toi, à chaque fois, tu leur dis, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve? Hein? Mad dalil, c'est quoi le dalil? Hein? Aina daliluk? Ça, ça les enrage au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation qui est basée sur la sunna, hein, qui est basée sur la compréhension des salafs. Et on voit ici cette éducation-là exactement mise en application par un des tabi'in, c'est-à-dire un des élèves des sahaba. Il demande à Hussein ibn Abdurrahman, c'est quoi ton dalil? Pourquoi tu as fait ça? Tu te basais sur quoi? Hein? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Hein? Hussein ibn Abdurrahman, il répond, il ne dit pas, « Ah, mais pourquoi tu me poses la question toujours, le dalil, pourquoi tu me demandes le dalil ?» Il n'a pas répondu comme ça. Au contraire, il lui a directement rapporté, c'est un hadith que j'ai entendu et qui m'a été rapporté de Ash-Sha'bi, qui l'a rapporté de Bouraïda ibn al-Hussein, Bouraïda, j'ai oublié le nom de son père. Ibn al-Husayb, c'est ça. Bouraïda ibn al-Husayb, ibn Abdullah. Donc, il mentionne que c'était rapporté de Bouraïda, hein, selon... c'est ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ici, il mentionne son dalil. Hein, il mentionne son dalil. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ça, وَهَدَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أُمُورِ الدِّينِ مِنَ الْعَقِدَةِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit, il y a la preuve ici qu'il faut absolument avoir un dalil dans la religion. Peu importe que ce soit des questions qui ont rapport avec la croyance, l'aqidah, ou avec les questions de halal et de haram, ou à propos des règles de la sharia. Il faut que ce soit une preuve, soit du livre d'Allah, ou de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, donc ça c'est très important ça. On ne suit pas les gens aveuglément, il faut avoir la preuve. Il faut savoir sur quoi on se base. Et le fait de demander aux gens, quand ils parlent de religion, de ramener le dalil, eh bien, ça, c'est une chose qui aide à fermer la porte aux innovations et aux bid'ahs. Pourquoi? Parce que la personne qui fait des innovations, elle n'a pas de dalil. Donc, quand toi, tu lui demandes son dalil, eh bien, ça va lui fermer la porte directement. Elle ne pourra plus continuer à enseigner cette bid'ah. Parce que les gens vont savoir qu'elle fait des choses sans preuve. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une indication que c'est très important de demander la preuve. Et le cheikh, il dit... ensuite, que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit, c'est pour ça que l'imam ibn Abdel Barr, rahimahullah, il rapporte un consensus des hommes de science sur le fait que le muqallid, c'est-à-dire celui qui suit quelqu'un d'autre aveuglément dans la religion, il ne fait pas partie des hommes de science. Il ne fait pas partie des hommes de science, il ne fait pas partie des ulama. Si une personne qui est considéré cheikh ou alim, il ne connaît pas les preuves, mais il fait juste suivre aveuglément les shuyukh de qui il a appris, sans connaître lui-même les preuves de la sharia, il ne fait pas partie des savants, même si les gens le considèrent comme étant un cheikh, ou l'appellent alim. Hein? Il est un jahil, c'est un ignorant. Parce que le muqallid n'est pas un savant. Celui qui suit aveuglément, il n'est pas un savant. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a mémorisé le madhab, un madhab d'un imam, parmi les imams, et il connaît toutes les positions de ce madhab-là, hein, il ne fait pas partie des savants. Parce qu'il ne connaît pas les preuves. Ce n'est pas suffisant de connaître les positions du madhab. Il faut connaître le dalil. Il faut connaître les preuves sur lesquelles ces éléments-là sont basés. Et il y a un consensus des hommes de science à ce sujet-là. que la personne qui est muqallid, elle ne fait pas partie des ulama, elle ne fait pas partie de Ahlul Ilm. Alors le cheikh il dit, alors réfléchis là-dessus. Et cheikh Al-Fawzan il dit, Al-muqallid huwa alladhi la ya'rifu ad-dalil wa la ya'rifu manat al-ahkam wa innama ya'khudhu aqwal an-nas faqat min ghayri ma'rifati min ghayri ma'rifatin li daliliha wa mustanadiha. هذا ليس بعالم وإنما هو ناقل فقط العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله. Donc le cheikh il dit, le muqallid, hein, c'est qui le muqallid? C'est celui qui suit aveuglément, qui suit quelqu'un et dans ses positions sans connaître sa preuve, alors que lui-même, cette personne qu'il suit n'est pas une preuve lui-même. Donc il suit quelqu'un sans connaître sa preuve, alors que la personne qu'il suit n'est pas une preuve. C'est ça le muqallid. Et les savants sont tous d'accord qu'il n'est pas un alim. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, le muqallid, c'est celui qui ne connaît pas le dalil et qui ne connaît pas sur quoi se rattachent les règles de la charia. Alors, il ne fait que prendre la position des gens seulement, sans connaître les preuves de ces positions-là, ni vers quoi elles retournent et sur quoi elles se basent. Donc, cette personne, elle n'est pas un savant, mais elle n'est qu'un transmetteur. Elle fait que transmettre. Qu'est-ce qu'elle a appris? Donc, le alim, le vrai savant, c'est celui qui connaît le jugement avec sa preuve. Il connaît le jugement de la charia sur une chose avec la preuve qui supporte ce jugement-là. Donc ça, c'est très important. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au prochain cours, Inch'Allah, on continuera l'explication de la suite. Donc en principe, ça devrait être demain. Hein, si possible, Inch'Allah, on fera la suite demain. Mais sinon, ce sera la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.